Dossier 1, livre page 12. 1. Que faites-vous pour garder votre lycée propre? Je ne cueille pas les belles fleurs qui l'entourent. 2. Chacun d'entre nous, par des gestes simples, peut contribuer à la propreté de l'environnement au lycée. 3. J'éprouve un grand plaisir en arrosant les plantes dans la cour.